19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous? Bah, j'imagine que vous êtes chez vous, bien au chaud, bien calé, dans votre fauteuil préféré, une bière bien fraîche. Et croyez-moi, 2 heures de métal en fusion qui vont vous réchauffer les oreilles. D'ailleurs, la preuve, c'est que Electric Shock, c'est l'émission préférée des ORL. Parce que bon, bonjour les acouphènes, quand on écoute Electric Shock, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, des nouveautés, 4. Et aussi des petites choses en rapport avec l'actualité. Puis on va aussi ouvrir la boîte à souvenirs avec un petit hommage évidemment à Bon Scott, l'illustre chanteur d'AC/DC qui nous a quitté maintenant il y a 45 ans. Et ouais, quand même, comme le temps passe vite. Enfin bref, il y en aura pour tous les goûts, enfin du moins j'espère, comme à chaque fois. Bah, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite avec du sérieux, avec du brutal, avec du lourd, avec le groupe Deathstructure, groupe du nord de la France et de moderne death metal, qui nous a sorti son nouvel album Le Déni, et c'est d'ailleurs justement le morceau qu'on va se mettre tout de suite pour se mettre dans l'ambiance. Par contre, ne vous fiez pas à la première partie du morceau, l'intro, qui est un peu plus cool, c'est juste pour vous préparer après pour la tuerie. Allez, donc, premier morceau ce soir, Deathstructure, Le Déni. We'll be right back. Bonne entrée en matière, n'est-ce pas, avec Death Structure et Le Déni, part 1 et part 2, extrait donc de l'album Le Déni, tout simplement. Ah, ça fait du bien, ça me met en forme déjà pour bien commencer. On va changer de style avec quelque chose de beaucoup plus soft, de différent, avec la première nouveauté de la soirée. Enfin, première nouveauté pour Electric Shock, car l'album est sorti il y a quelques mois de ça, puisqu'il est sorti au mois d'octobre l'année dernière, si je crois que mes souvenirs sont bons. Mais bon, je viens juste me le procurer. Puis c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, et puis je dois avouer que Electric Shock est quasiment lié à elle, puisque en fin de compte, Electric Shock a fait presque ses débuts en même temps que c'est elle aussi, puisque c'est Charlotte Wessels que je veux parler, puisque Charlotte Wessels était donc la chanteuse de D-Lane entre 2005 et 2021, et on a suivi donc la carrière en parallèle, et j'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois. Et Charlotte Wessels, du fait que quand Martin Fitzgerald a décidé donc de plus ou moins se séparer de tout le monde, a décidé de faire une carrière solo, elle nous avait sorti deux albums, Tales from Six Feet Under, volume 1 et 2, dont on avait passé quelques extraits quelques années qui étaient quand même très différents de son groupe d'origine, ce qui peut se comprendre quand on fait quelque chose en solo. Et là, elle est revenue avec un album beaucoup plus metal, plus proche de ce qu'elle faisait avec D-Lane. Moi, j'ai même trouvé même beaucoup plus rentre-dedans, d'ailleurs, que ne l'était, et que ne l'est, d'ailleurs, D-Lane, avec son album The Obsession. Je dois avouer que j'étais un petit peu surpris. Je m'attendais presque à un D-Lane bis, et en fait, c'est beaucoup plus péchu. Enfin, on y retrouve toujours sa voix sublime et des arrangements toujours sophistiqués. Enfin, bref, du très beau boulot. Donc, extrait de cet album The Obsession, on va se faire Chasing Sunset tout de suite, maintenant. Mystifica. Alors Mystifica, c'est un duo qui nous vient d'Ukraine, qui est composé donc de Max Molodtsov, qui s'occupe de tous les instruments en studio, et de Valérie Chudentsova, j'espère que je prononce bien, qui s'occupe du chant. Et ça, c'est extrait de leur unique album Century Tales, qui était sorti en 2023. Juste avant, venu de Hollande, nouvel album solo pour l'ancienne chanteuse de D-Lane, Charlotte Wessels, c'était Chasing Sunsets, donc extrait donc de The Obsession, son nouvel album, nouveau pour Electric Shock, puisqu'il est sorti déjà au mois d'octobre l'année dernière. Revenons maintenant à une des premières grosses sorties de l'année 2025, le nouvel album solo de Mark Tremonti, Delta Bridge, qui s'appelle There Way, The End Will Show Us How, qui est déjà donc son cinquième et qui, je trouve, se rapproche vraiment d'un Alter Bridge Beast. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Allez, écoutons Tomorrow We Will Fail. Oh, Surfer Seems So Fair, ça c'est le dernier album de Seether, et c'était Judas Mind qu'on vient de se faire à l'instant. Juste avant, album solo pour Mark Tremonti, The End Will Show Us How, c'était donc Tomorrow We Will Fail qu'on vient d'écouter. On va revenir tiens en France avec le nouvel album, le premier album de Liquid Bear, Second Life, groupe de rock expérimental avec Second Life donc, qui est sorti début février. Et ils nous disent qu'ils ont perdu leur couronne avec I Lost My Crown. I lost my crown on a joyous day. You turn around and say, hey, I'll see you some other time. I lost my crown, I painted it myself. Painted it brown. Latch your eyes and hug it for the story inside. Felt like a clown. This day I sold my own demise. I was younger than convinced that I'd show the crowd. Yeah, I was younger than convinced that I'd show the crowd. We'll be right back. citizens, prisoners and activists. Sure as hell won't cost me any sleepless nights. You're a not to me. Fits perfectly. Fuck violations of human rights. Dans le temps, puisque nous étions là à l'instant en 2009 en compagnie de Freak Kitchen et de son album Land of the Freaks, c'était God Save the Spleen. Et Freak Kitchen, bah, ils seront en concert à Paris mardi prochain à la Maroquinerie. Juste avant Freak Kitchen, beaucoup plus récent, puisque sorti il y a quelques semaines, le premier album de Liquid Bear, Second Life, c'était I Lost My Crown. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée, quelque chose tout chaud, tout bouillant qui est sorti donc vendredi. C'est le quatrième album d'une haute figure du milieu punk hardcore nantais, Stinky. Alors Stinky, c'est déjà quand même plus de 400 concerts dans 15 pays différents. Donc quand même, vous voyez que ça fait un moment que ça tourne et que c'est du carré. Alors c'est musicalement, ça dit que c'est vrai qu'il y a plein de choses dedans. Ça va du metal au punk, ça, on peut penser à While She Sleeps, Paramore, Not Look, Steel Jurgen, c'est plein de choses. Alors, je ne peux pas comparer par rapport au précédent. Enfin, toujours est-il que ce nouvel album Solace, ben, il y a des choses quand même bien rentrent dedans, comme ce Down in the Dumps qu'on va se faire tout de suite maintenant. Ecosum Kisum, excusez-moi pour la prononciation, mais moi le latin, j'étais pas très fort, et puis je dois avouer que j'étais pas non plus très assidu au cours. C'était donc Usquam avec un extrait de leur premier album Ex Nihilo, qu'on passe depuis plusieurs semaines, et ça s'est sorti fin janvier, juste avant. Deuxième nouveauté de la soirée avec le quatrième album des Nantais de Stinky qui s'appelle Solace, et c'était Down in the Dumps. On va revenir à ce qu'a été une des grosses sorties de ce début d'année 2025 et qui sera certainement une des grosses sorties de l'année tout court. C'est le nouvel album de Dream Theater. Dream Theater qui a vu son fils prodigue Mike Portnoy revenir après presque 15 ans d'absence. Avec un nouvel album donc qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Parasomnia. Oui, ça fallait bien s'attendre un jour à ce qu'un, quand on s'appelle Dream Theater, un jour on fasse un album basé sur le sommeil. Donc cet album est un petit peu basé sur toutes les différentes phases de sommeil qu'on peut avoir, les cauchemars, le sommeil paradoxal, enfin toutes ces choses-là. D'ailleurs, une des questions qu'il nous pose sur cet album, c'est « Are we dreaming ?» Bend the Clock et Are We Dreaming, la petite intro, donc tous deux extraits de Parasomnia, le dernier opus de Dream Theater. Et maintenant, si vous voulez bien, on va se faire du rock'n'roll, le pur rock'n'roll, entre Iggy Pop et Motorhead. Et pour ça, on va revenir donc à ce qui était une des nouveautés la semaine dernière, le nouvel album des Parisiens de Two Sisters, She Likes Monsters. Et Two Sisters, bah, ils seront au Dropkick le 28 mars prochain en compagnie de The Calamities, groupe de punk rock, de Turn Off, groupe de ska punk et de Yeti punk rock pop. Donc, une bien belle soirée en perspective. Extrait de She Likes Monster, le morceau Death, tout simplement un beau petit brûlot rock'n'roll. They want you, honey, dead or dead. They want you, honey, mute and chained. Yeah. faire plus rock'n'roll, c'est pas possible. Rocker, AC/DC, extrait donc de Dirty Deeds on Dirt Cheap, sorti en 1976. Et ben ça, c'est en hommage à Bon Scott, qui nous a quitté le 19 février 1980. Déjà 45 ans. Eh ouais, comme le temps passe très très vite. Et quand on pense aussi que près de la moitié encore des morceaux de cette époque figurent dans la setlist d'ACDC actuellement, quand même, c'est pour vous dire à quel point il a marqué le groupe et même le rock. Voilà, tout simplement. Juste avant, venu de la région parisienne, Two Sisters et leur album She Likes Monsters, c'était Def. Et je vous rappelle que Two Sisters sera en concert au Dropkick le 28 mars prochain. Maintenant, allons faire un petit tour à Besançon, retrouver Holz et son premier album Hill, qui est sorti fin janvier. Et on va aller faire un petit tour du côté de Fall Into Decay. We'll be right back. 20h07 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, on a déjà dépassé la première heure de l'émission. Vous êtes bien donc en train d'écouter Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. C'était Fall Into Decay, extrait donc du premier album de Halls. Il s'appelle Hill. Eh bien, on va se faire donc une nouveauté, la troisième de la soirée, avec un groupe qui s'appelle Tungsten, dont c'est le troisième album, qui s'appelle Chronicle of the Living, qui vient donc de sortir fin janvier. Alors, musicalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est un peu un mélange un peu de metalcore, un peu indus par moment, avec plein de choses, avec une voix féminine qui passe de chants hurlés à des passages plus cool. Enfin, il y a plein de choses très différentes. C'est très difficile à catégoriser. Vous allez pouvoir vous en rendre compte avec un petit extrait donc de ce Chronicles of the Living avec It Was a Dream. left to coast away. You argue that we are eternal. Avec The Burden of Proof, extrait de The Wineries of Ignorance. Ça, c'était des nouveautés de la semaine dernière. Nouveauté pour ce soir, par contre, troisième opus pour Tungsten. Donc, c'était un extrait de Chronicles of the Living. C'était donc le morceau It Was a Dream, avec lequel on s'est décrassé les esgourdes. Et bien maintenant, on va revenir ce qui est sur le premier gros coup de cœur de l'année 2025 en ce qui concerne Electric Shock. C'est le nouvel album des Parisiens de Dead Acid People que vous devez commencer à connaître si vous êtes de fidèles auditeurs, parce qu'on a, ouais, on a presque passé les trois quarts de l'album qui s'appelle Feed Me. Et pour ce soir, on va se faire un petit Strong Belief. C'est le morceau que je vous ai choisi ce soir, donc. We're Putain que c'est bon ça, je ne m'en lasse pas du tout de cet album, c'est-à-dire c'est l'album c'est Feed Me, et le morceau qu'on a eu ce soir c'était Strong Belief, extrait donc du nouvel album de Dead Acid People, groupe de la région parisienne qui vraiment me trouve le cul, voilà, il n'y a pas d'autre mot, voilà. On va faire un petit tour du côté de Clermont-Ferrand, retrouver le groupe de rock alternatif ISI Hate. Donc mélange de Tom Waits et Nine Inch Nails avec des ambiances à la David Lynch. Et leur premier album qui est sorti pas très longtemps, fin janvier, s'appelle The Convolution Encore. On vous en avait passé un extrait la semaine dernière. Et ben on va continuer encore cette semaine avec Bill Bugs. We'll be right back. toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, on attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock. Electric Shock, donc tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, on vient de se décrasser les oreilles avec les Belges de Pfers et leur album Solstice. Bah, écoute, j'ai commencé à connaître. Ça fait déjà pas mal de semaines qu'on en diffuse. C'était donc Ablaze. Juste avant, venu de Clermont-Ferrand et leur premier album, c'était I Ace I Hate avec Pillsbug, extrait donc de The Convolution encore. Eh bien, on va se faire la dernière nouveauté de la soirée. Là, pour ça, je vais vous inviter à voyager à travers le temps et l'espace, puisqu'on va aller faire un petit tour en Égypte, au temps de la 6e et la 7e dynastie des pharaons, un univers assez peu connu, qui passionne le groupe Amon Sethis. Alors, Amon Sethis, c'est un groupe qui existe depuis 2007. Ils sont originaires de Grenoble, ils font du power metal, ils existent donc depuis un bon moment. Et là, ils viennent de sortir leur 4e album. Donc album conceptuel donc basé sur l'Égypte et principalement donc sur ces dynasties. Et cet album qui est sorti vendredi tout chaud tout bouillant s'appelle Part 3 Dawn of an Apocalyptic World. Alors là vous dites il est en train de se foutre de nous, ils nous disent qu'ils viennent de faire 4 albums alors que c'est le Part 3. On pourrait croire ça, effectivement, mais leur 3e album qui était sorti en 2020, c'était un Part Zero. En fait, c'était un préquel parce que tous les albums sont conceptuels. Enfin, bref, un sacré boulot. Et pour vous dire que le groupe, quand même, a déjà de l'expérience, puisqu'ils ont quand même pas mal tourné. Ils ont tourné avec Trott, avec Mirat, avec Vandenplace, avec DGM, avec Nightmare, avec Blaze Bellet, Trust, Sortilège, ou encore Caligula's Horse. Il y a quand même du beau monde. Alors, si vous avez envie de voyager très loin, fermez les yeux, je vous invite avec Amon Sethis à aller faire un tour en Égypte avec le morceau Lamentation et tout d'abord la petite intro qui d'ailleurs donne son nom à l'album. Thank you. vraiment sympa, vraiment une belle découverte cet album. C'était la quatrième nouveauté donc de la soirée avec le groupe Amon Sethis et son album Part 3 Down of an Apocalyptic World. On a eu droit au morceau Lamentations et la petite intro donc qui a donné son titre à l'album. Tiens, on va le dédier à l'ami Christophe de Prisma et organisateur du Creekfest parce que ça je pense qu'il a dû adorer. On change encore de style, c'est ça Electric Shock, on passe un petit peu du coq à l'âne et là je vais vous emmener faire un petit tour dans le sud des États-Unis, dans le désert, entre le vent et la poussière. Bien que le groupe soit originaire de Lyon, et oui, on va revenir à le nouvel album de Diesel Dust, Just Another Day, sorti en début d'année, et on va s'écouter Between Love and Hate. taste on my lips. She's as good as it gets. I like a little bit of homegrown. She gives me stone. Oh, in a short dress, yeah, I'm a mess. I like to get around alone. She really turns me on. Yeah, in a bare feet, sipping sweet tea, a little homegrown. La légende Lynyrd Skynyrd avec Homegrown, un extrait de Last of a Dying Breed, qui était leur 14e et le dernier album studio, ils n'ont pas sorti depuis, qui était sorti en 2012. Juste avant Lynyrd Skynyrd, bien de chez nous, venu de Lyon, mais l'esprit c'est le même, c'était donc Diesel Dust avec Between Love and Hate, extrait de leur dernier opus, Just Another Day. Eh bien, il va bientôt être temps de l'heure de se quitter, mais on a le temps de se faire un dernier petit morceau à l'été. Pour finir, on va se faire un petit Walnut Grove d'ici, et on va se faire un petit extrait de Deeper, leur dernier album, et on va terminer Electric Shock avec Never Break. We'll be right back. Never Break, extrait de Deeper de Walnut Grove DC. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock. Bah, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Bah, normalement, on se retrouve donc la semaine prochaine pour bien sûr de nouvelles aventures métalliques. Amis nightclubbers, fans d'électro, eh bien, j'ai le... Malheureusement, ce soir, j'espère, vous serez déçus parce qu'il n'y aura pas d'électro live. Et oui, l'ami Christophe est souffrant. Mais rassurez-vous, je pense que la semaine prochaine, il sera rétabli et il vous aura concocté certainement un joli petit programme. Eh bien, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. Restez bien branchés à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Nous contratamos agora em janeiro.